Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Personne ne prétendait être un aventurier avant les alentours de 1900. C'était un personnage extrêmement mal vu. Cette semaine, récit d'ailleurs. Il faut dire une chose importante. C'est amusant d'être journaliste. Des voyageurs aux reporters. Ce film était un essai cinématographique. Et ce que je voulais faire, c'était faire un essai sur le journalisme. Une histoire en renouvellement. Je crois que gamin, j'étais fasciné par l'idée d'enregistrer des choses avec les yeux. On avait le dessin des principales côtes des continents et des principales îles dès les alentours de 1800. Et qui c'est lui ? C'est le journaliste britannique, Robert Fisk. Il me faut quelques informations. On a une autorisation. Montrez-lui. Nous sommes en compagnie de Sylvain Vénère, historien, qui a de nombreuses casquettes. Il a fondé et dirigé le laboratoire de l'Université Grenoble-Alpes, Lucie, en nous en parlant, en nous disant quelques mots hier. Je vous renvoie donc à l'émission qui a débuté cette semaine. Il a coécrit une histoire du monde au XIXe siècle avec Pierre Singa-Ravelou. J'ai choisi, Sylvain Vénère, quelques petites lignes que je vous livre. J'ai choisi pour ce livre de ne pas définir mon XIXe siècle comme une continuité temporelle entre une date de début alpha et une date de fin oméga. Les histoires qui m'intéressent ne peuvent pas être présentées comme un déroulement et un récit linéaire sur 100 ans ou plus, sur le mode du « et ensuite ». Ce sont des histoires de transition et de transformation. Ces mots ont été écrits par Jürgen Osterhammel dans « À propos de la transformation du monde, une histoire globale du XIXe siècle ». Ils ne sont pas vôtres, mais j'ai l'impression qu'ils pourraient l'être. Est-ce que vous vous inscrivez un peu dans ce genre de démarche? Vous commencez à nous le préciser hier. On ne peut plus aborder un siècle, quel qu'il soit, vous en l'occurrence le 19e, avec les outils d'avant, en considérant que ça commence le 1er janvier et que ça finit le 31 décembre, et que c'est une suite d'événements linéaires, comme on dit. Non, les entrées sont désormais multiples. On peut, comme vous nous le disiez hier, avec l'exemple des touches de piano, Ivoire et Ébène, comprendre ce qui se construit géopolitiquement sur un territoire africain et qui va opérer plus tard. Alors ces mots sur l'approche, vous les partagez ? À 90%. C'est-à-dire que, bien sûr, il a bien raison. Et puis, de toute façon, enfin, le 19e siècle est pour partie une construction fictive qui fait qu'on est, dans mon cas, comme dans le cas de Osterhammel, spécialiste du 19e siècle parce que l'université nous le demande. Mais que quand on fait de l'histoire, évidemment, on sait que c'est plus compliqué que ça. Et que si on prend l'histoire à l'échelle du monde, on sait bien, par exemple, que l'histoire du 19e siècle des révolutions, ça va commencer plutôt dans les années 1780 et finir dans les années 1910. Mais si on prend l'histoire du 19e siècle des migrations, une séquence logique ira plutôt des années 1830 aux années 1920. Évidemment, tout dépend de son objet. 10% de réserve, c'est que c'est vrai jusque précisément au 19e siècle. Et que le 19e siècle, c'est le premier siècle à se penser comme un numéro. On commence à la fin des années 1790 à dire qu'on va arriver dans le 19e siècle. Alors pas avant. Non, les gens du 18e siècle n'habitaient pas le 18e siècle, ceux du 17e siècle n'habitaient pas le 17e siècle. Et que derrière cette idée-là, qui est alors dans les titres de la quasi-totalité des journaux du 19e siècle, dont une grande partie s'appelle le 19e siècle dans toutes les langues, cette idée qu'on habite un siècle, elle charrie derrière une forme d'imaginaire qui vient des Lumières, c'est vrai, mais qui se traduit par cette notion de siècle, qui n'est plus du tout la notion de siècle des siècles précédents, que les historiens vont ensuite plaquer rétrospectivement sur le XVIIe siècle ou le XVIe siècle. Et derrière, il y a quand même une certaine vision de l'histoire, une vision évolutionniste de l'histoire, le sens d'un progrès, cette idée que le XIXe siècle sera meilleur que le XVIIIe, mais moins bon que le XXe. Et cette façon de penser, il faut aussi la respecter, parce que sinon, on se prive malgré tout de comprendre ce dont on parlait hier, c'est-à-dire les systèmes de représentation des acteurs, leur imaginaire, leurs émotions, leur sensibilité. Cette histoire de nommer le temps, qui émerge dans le 19e, elle émergerait plutôt début, milieu, fin? Ah, là, les premières mentions de, ça avait été prouvé, les premières mentions du 19e siècle, c'est la fin des années 1790. On attend le siècle à venir. Et très très vite, en fait, hein, dans les premières années du 19e siècle, on a le sentiment qu'on pénètre dans le 19e siècle, alors armé d'énormément de désirs et de confiance. Y a-t-il quelque chose là-dedans qui serait lié dans le rapport au temps? Est-ce que le rapport au temps s'est déjà modifié ou subit des modifications? Oui, c'est-à-dire, bon, il y a eu beaucoup de débats là-dessus chez les historiens, puisque la question qui avait été relancée récemment par François Hartog en reprenant des travaux de Kozelek, c'est cette question du présentisme. Mais il est d'ailleurs assez frappant qu'une grande partie des exemples qu'on donne pour définir ce rapport particulier au temps sont des exemples qui viennent justement du tournant des 18e et 19e siècles. Et on empruntait énormément à Chateaubriand, puis ensuite à Tocqueville, pour expliquer ce qui se joue dans ce rapport au temps. Mais en fait, on peut comprendre ça de façon assez vite, parce que c'est quelque chose dont nos sociétés actuelles, je ne dis pas se sont déprises, parce que ce serait trop optimiste, mais sont en train de se déprendre. C'est cette idée qui était portée par le 18e siècle, en l'occurrence, qu'il n'y aurait qu'une seule flèche du temps. Que toutes les sociétés vivraient la même évolution, en quelque sorte, mais à des rythmes différents. Il n'y aurait pas moyen d'échapper à une certaine logique d'évolution des sociétés. C'est ce qui autorisait à penser que certaines sociétés étaient en avance sur d'autres. Elles n'étaient pas différentes. Elles ne suivaient pas des cours différents du temps. Elles suivaient le même cours du temps, sauf que si vous étiez, ce que pouvait encore dire Lucien Febvre, tout de même, notre maître à tous, dans les années 1950, c'est qu'il y avait une différence énorme entre un papou et un parisien. Parce que l'un était en retard sur l'autre. Cette idée de retard, ça se formalise dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ça se structure autour d'une notion qui apparaît à cette époque, qui est la notion de civilisation. Et on a cette idée, avec les premières philosophies de l'histoire qui apparaissent dans les années 1770-1780, il y a cette idée que la civilisation, elle suit un cours unique du temps, mais qui est exactement comme la course du soleil dans le ciel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on pense l'histoire de la civilisation comme une histoire qui va de l'Est vers l'Ouest. Et l'humanité, la civilisation serait née en Inde et elle se serait transportée comme ça par la suite en Mésopotamie, en Égypte, en Palestine, en Grèce, à Rome. Et évidemment, pour les gens du 19e siècle, elle est en train d'arriver en Europe occidentale. C'est vraiment ce que dit Michelet, par exemple, dans l'introduction à l'histoire universelle en 1831. Cette idée-là, fiat oriente lux, la lumière vient d'Orient, elle est très très prégnante. Je pense qu'on n'en est plus là. On comprend qu'il peut y avoir des façons très très différentes de s'épanouir, mais elle continue à structurer un peu certains imaginaires. Surtout que pour ne pas totalement faciliter la déprise, comme vous le disiez, les cloches continuent de sonner l'heure à l'heure, que ça soit la demi, le quart, et d'une certaine manière, ce tempo-là, il reste encore profondément inscrit dans nos têtes, dans notre manière de penser le temps également. Faut pas confondre une représentation du temps qui serait le temps social sur des millénaires. Et là, c'est vrai que ça résiste un petit peu quand le président français Sarkozy explique à Dakar que l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. C'est à cette représentation-là du temps qui fait allusion. Et puis le temps qui rythme nos journées, parce que le temps qui rythme nos journées, il a été considérablement modifié depuis deux siècles, mais alors de tant de façons, parce que les cloches sont devenues plus folkloriques qu'autre chose tout au long du XXe siècle. Alors elles n'étaient pas du tout au XIXe, hein, mais aujourd'hui c'est quand même le cas. Mais la France est un parc zoologique très particulier par rapport au reste de l'Europe. On conviendrait quant à sa relation à l'église et à la cloche. Oui, oui, sans doute, mais il y a beaucoup d'autres moyens de mesurer le temps que les cloches. Non seulement on a inventé des montres et des montres de plus en plus précises, qui fait qu'on s'est mis à penser en minutes et en secondes, et surtout au 19e siècle en tout cas. Le changement majeur, hein, il est intervenu avec le journal quotidien. Puisque cette fois-ci, cette idée que tous les jours arrivait quelque chose qui n'a pas du tout le même sens au début du 19e et à la fin du 20e siècle, mais qui est le journal quotidien. On a beaucoup dit, même si, à titre personnel, j'ai jamais retrouvé la citation, mais on a beaucoup dit que Hegel aurait qualifié le journal quotidien de la Nouvelle Prière. Hein, la prière, vous savez comment on parlait de la messe de 20h pour le journal télévisé. Bon, cette métaphore, elle est vraiment... Elle a envahi le discours sur la presse au 19e et au 20e siècle. Et elle témoigne bien de quelque chose qui a changé. Et c'est notamment le temps. Il n'y a quasiment pas de quotidien avant la fin du 18e siècle. Sylvain Vénère, le 19e siècle, siècle de l'invention, ou plutôt, précisez-vous, de l'apprentissage progressif à l'échelle du monde, de la contemporanéité. Alors, on a besoin peut-être de quelques mots d'explication. Qu'est-ce que c'est que ça? Et une fois encore, en quoi le 19e siècle se singularise-t-il avec ce qu'il précède dans ce domaine-là? C'est évidemment un peu compliqué. Si vous aviez en face de vous un 16e-iste, spécialiste du 16e siècle, et un grand 16e-iste comme Serge Krasinski, il vous dirait très probablement que tout de même, avec ce que les Européens appellent la découverte des Amériques, et puis ensuite la conquête et l'installation des premiers empires, il y a déjà une première uniformisation du monde. Alors, on ne parle pas seulement du choc microbien, on ne parle pas seulement de l'évangélisation, mais même le sentiment que, comme il le dit en titre d'un de ses livres, quelle heure est-il là-bas? Il se passe des choses à l'autre bout de la planète. Et ça, c'est quelque chose d'assez neuf. Il faut prendre la mesure de cette rupture du XVIe siècle. Vous pouvez en prendre la mesure aussi. Si vous pensez à cet article de Patrick Boucheron dans Notre histoire du monde au 19e sur l'éruption du Krakatoa en 1883 et qui fait pendant avec ce qu'il écrit en ouverture de son histoire du monde au 15e siècle sur la grande éruption de Kauai. Quand le volcan de Kauai explose en Papouasie au 15e siècle, certains historiens d'aujourd'hui qui pratiquent une histoire monde mais qui est presque une big history, une histoire qui pourrait se passer des hommes, essaie de retrouver dans des sources un petit peu partout dans le monde des conséquences de cette explosion en Papouasie, par exemple en Europe. Alors on se dit, tiens voilà, au moment de la chute de Constantinople, les astronomes regardent dans le ciel, voient passer des messages qui sont ensuite interprétés comme éventuellement la chute à venir de Constantinople, mais en réalité c'est probablement lié au dérèglement météorologique dû à l'éruption de Kauai. Sauf que ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est ok, peut-être, mais non, il n'empêche que ça, c'est une reconstruction que les historiens peuvent faire de cet événement-là, mais à l'époque, l'éruption de Kauai et ses conséquences catastrophiques en Papouasie n'étaient pas contemporains de la chute de Constantinople. Ça s'est passé au même moment, mais les gens ne le savaient pas. Au moment de l'éruption du Krakatoa en 1883, c'est très différent. Il y a un réseau d'études des phénomènes météorologiques qui s'est structuré pendant tout le 19e siècle. Cette énorme éruption-là, elle est suivie pratiquement en direct, enfin avec les moyens de l'époque, mais enfin assez rapidement, par les réseaux savants et les journaux. Et là, effectivement, il s'est passé quelque chose. Il y a une contemporanéité. Alors cette contemporanéité, elle est aussi brutale que celle qui s'est mise en place au XVIe siècle. Elle s'accompagne, dans le dernier quart du XIXe siècle, on le sait, de la colonisation de la quasi-totalité de l'Afrique par les Européens, avec son cortège de violences physiques et symboliques. Mais il est clair qu'en gros, aux alentours de 1900, l'humanité est devenue contemporaine à elle-même. « J'avais entendu, Sylvain Vénère, une interprétation, il y a quelques années cela, qui m'a beaucoup marqué, de la montée des nationalismes, par quelqu'un dont malheureusement j'ai oublié le nom et que je n'ai absolument jamais réussi à retrouver après des recherches et des recherches et des recherches. Et lui mettait en lien l'accroissement des multiples techniques, donc un rapport à l'espace et au temps qui s'était considérablement modifié du fait des moyens de transport, du fait de la télégraphie, etc. Et comme dans une sorte de repli instinctif, il mettait donc en vis-à-vis cet accroissement des techniques et ces replis identitaires donnant les nationalismes. Alors je ne vous demande pas si vous partagez ce point de vue ou pas, mais j'ai l'impression que ça s'inscrit un peu quand même dans ce genre de regard, non ? Oui, alors ce qu'ont montré les historiens de l'idée de nation depuis longtemps, c'est que il faut penser à des gens comme Hobsbawm, et même avant Anderson et Gellner, etc. Ce qui a pas mal été repris par Anne-Marie Thiès en France, c'est que Thiès, c'est qu'il y a rien de plus international que l'idée de nation. C'est-à-dire que on peut toujours s'imaginer que notre nation, elle est tout à fait particulière, qu'elle a des charmes indéfinissables qu'aucune nation n'aura jamais. Vous adressez à des confédérés, ne l'oubliez pas. Cette idée-là, elle est unanimement partagée par tous ceux qui prétendent appartenir à une nation. Et les nations se constituent au XIXe siècle, depuis le XVIIIe siècle, mais de la même façon. C'est-à-dire qu'elles vont toutes avoir progressivement un hymne, un folklore, un drapeau, une devise, des grands héros, des origines glorieuses. Personne n'y échappe. En tout cas, de la façon dont ça s'est passé en Europe, hein, puisqu'il y a des cas évidemment un peu différents, mais de la façon dont ça s'est passé en Europe, ça s'est passé à peu près de la même façon, avec des rythmes un petit peu différents, évidemment en allant chercher des ancêtres un petit peu différents, en appuyant davantage sur des questions de religion ou des questions de langue selon les lieux. Mais oui, ça s'est passé comme ça. Cela étant, j'insiste, est-ce que la relation objet ou disons technique et politique, c'est aussi quelque chose que vous travaillez à l'intérieur de votre travail extrêmement large d'historien? Entre objet et politique, oui. Alors, pas moi, pour être franc, mais dans ce livre « Apparaître sur l'histoire des objets », j'ai certains collègues qui se saisissent de ça en faisant précisément l'histoire de la banderole, par exemple, ou l'histoire du drapeau. Il y a tout de même des objets qui font l'objet d'appropriations très étroitement politiques, oui, bien sûr. Et j'avais entendu une chose absolument passionnante sur l'histoire de la blessure de guerre. La blessure évoluant évidemment avec l'armement et permettant aux soignants de comprendre de mieux en mieux l'humain qu'il avait sous la main à soigner. Oui, alors on peut... On peut, bien sûr, on peut aussi raconter l'histoire, mais cette histoire n'est pas toujours une histoire de progrès, malgré tout. Et les progrès de l'armement européen à partir des années 1850-1860 sont tels qu'on imagine, pour s'en tenir juste au cas du fusil, on imagine deux avenirs très très différents. Pour une part, on constate qu'on est capable d'inventer des balles qui explosent à partir du moment où elles rentrent dans le corps, ces fameuses balles qu'on va appeler doum-doum, parce que on s'entraîne dans un faubourg de Calcutta qui s'appelle doum-doum. Et qu'on interdit assez vite d'ailleurs. En théorie, elles sont interdites à la conférence de La Haye en 1899, ce qui fait qu'après, il y a des grands scandales pour savoir si on les a utilisées ou pas pendant la guerre des bourgs ou pendant la guerre russo-japonaise. Et au même moment, ça a été bien montré dans le travail de Ken Daimaru, au même moment, les gens s'imaginent que puisqu'on est capable de faire ce genre de balles, on est aussi capable de faire des balles propres. Ce qui tuait le plus les gens sur les champs de bataille du XIXe siècle, à part, selon les lieux, la fièvre jaune, le choléra ou la typhoïde, c'était les blessures qu'entraînaient avec la balle les morceaux d'étoffe qui rentraient dans le corps. Donc, provoquant des infections. Donc ce qu'on y pouvait imaginer, c'est qu'une balle suffisamment ergonomique et suffisamment rapide pourrait rentrer dans le corps, ressortir du corps, sans emporter de tissu et en faisant des lésions simples, qui blesserait évidemment les soldats, mais ne les tuerait pas. Donc un double avantage. Elle serait humanitaire, et c'est le nom qu'on donne à cette balle de l'avenir, la balle humanitaire, et en même temps qui ralentirait les armées, puisque rien ne pourra plus ralentir une armée que ses blessés. Et quel est l'inventeur de... Pendant quelques années, c'est une invention globale. Hein. Globale, d'accord. Alors on croit, c'est ce qu'on pourra appeler une histoire à deux balles, si vous voulez. C'est à la fois la balle Doum Doum et la balle humanitaire. Et les deux sont liés. Il y a évidemment pour part une histoire du progrès technique, comme on l'écrivait encore il y a une cinquantaine d'années, mais il y a aussi toute cette histoire de ces rêves techniques non advenus, qui est aussi intéressante à écrire. J'ai relevé une autre de vos expressions. La modernité est une catégorie piégée. Oui. Là, pour le coup, c'est quand on a réfléchi avec cette équipe de 90 historiens à ce que pouvait être une histoire, une véritable histoire du monde au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'une histoire qui permette de restituer la pluralité des points de vue au XIXe siècle et qui ne soit pas juste une histoire de l'Europe racontant l'histoire du monde de son point de vue. On s'est rendu compte que si on voulait bien faire, eh bien, il fallait faire la même chose que ce qu'avait réalisé l'équipe réunie par Patrick Boucheron sur l'histoire du monde au XVe siècle. Si on veut vraiment faire une histoire du monde du XVe siècle, sachant qu'au XVe siècle, personne n'imaginait habiter le XVe siècle, donc cette catégorie n'a absolument aucun sens pour le XVe siècle, alors que le XIXe siècle a du sens pour une grande partie des gens au XIXe, enfin des occidentaux, eh bien au XVe siècle, on élimine la notion de renaissance, qui non seulement est d'ailleurs une notion postérieure, mais qui de toute façon implique une représentation du temps qui est très étroitement européenne. Il faut faire la même chose au XIXe siècle. Les gens du XIXe siècle, les élites européennes, une partie des migrants européens qui partent un peu partout, sont pleins de cette notion de modernité. Ils ont le sentiment de vivre le temps de la modernité. Si nous, aujourd'hui, on dit l'histoire du XIXe siècle, c'est l'histoire de la modernité, on peut écrire une histoire intéressante, et d'ailleurs, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Hein. Sauf que ça a déjà été fait. Mais sinon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire malgré tout. Simplement, on sait qu'on est en train d'écrire cette histoire du point de vue des élites européennes ou occidentales sur le monde. C'est le cas quand on évoque, par exemple, les peintres du Quattrocento, où c'est aussi une terminologie qui relève de la reconstruction. Oui, oui. Et puis, après, encore une fois, le monde est intéressant comme échelle supplémentaire d'analyse. Il est intéressant comme expérience. Une partie des gens font l'expérience du monde, soit par le voyage, soit par la migration, soit simplement par le fait qu'ils en prennent connaissance. Au fur et à mesure du XIXe siècle, le monde n'a pas exactement le même sens en 1800 et en 1900. Donc c'est intéressant de faire cette histoire-là, mais ce n'est pas du tout la seule. Hein. Moi, si je fais l'histoire de mes ancêtres périgourdins du XIXe siècle, qui n'ont pas spécialement voyagé, qui n'ont pas migré. Je peux avoir pour partie besoin de l'histoire du monde pour expliquer certaines choses qu'ils ont vécues, mais une grande partie s'explique par une histoire locale. Et d'ailleurs, on aurait bien tort de croire que le contraire de l'histoire du monde, comme le font dire justement parfois certains publicistes, c'est l'histoire nationale. C'est faux. La nation elle-même, le cadre national lui-même, il est très très contraignant pour les historiens parce que on est nous-mêmes salariés d'un État, d'une nation, parce que les archives à partir de la fin du XVIIIe siècle ont été organisées de façon nationale. Donc ce cadre-là est extrêmement prégnant. Mais une grande partie de l'activité, des pratiques, des représentations des gens du passé ne dépendait pas du cadre national. Ça dépend du cadre national, évidemment, si vous êtes en 1914-18, une grande partie de votre activité, elle est liée au cadre national, parce que s'il y a bien un truc que l'État fait, c'est déclarer la guerre, prélever des impôts, organiser l'enseignement, progressivement. Hein. Une grande partie ne dépend pas de l'État. Je dois vous avouer que j'ai essuyé une larme en lisant une de vos phrases, à savoir qu'il fallait sans doute en finir avec la patine victorienne, toujours à propos Sylvain Vénère, de ce 19e siècle. J'ai eu l'impression que je devais sortir mon mouchoir et dire ainsi au revoir à Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur, autant de personnages qui ont bercé mon adolescence et certainement également la suite. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire pourquoi il faut gratter la patine ? Non. D'ailleurs, en plus, c'est, il se trouve que moi, j'aime aussi, dans le 19e siècle, sa vieille histoire. Moi, je suis un grand lecteur de Sherlock Holmes. Vous savez pourquoi, pour essayer de répondre à votre question, vous savez pourquoi le docteur Watson boite ? Il y a la trace dans un des écrits de Conan Doyle, évidemment. Ah oui, il le dit dès le début. Une pièce de monnaie qui serait tombée dans la chaussure. Non, il était médecin militaire à la bataille de Maiwand, en Afghanistan en 1880, au moment de la deuxième guerre anglo-afghane, il a été blessé là-bas. Et dans les aventures de Sherlock Holmes, que Conan Doyle commence à écrire dans les années 1880, en fait, il y a extrêmement présent, plus que le monde, du point de vue britannique, l'Empire. L'Empire que les Britanniques mettent en place à partir du 1er janvier 1877 avec le couronnement de Victoria comme impératrice des Indes. Une histoire qui a été lente et compliquée à partir, disons, de la révolte des Sipayes de 1857 quand on a commencé à imaginer, même en fait à partir de la première guerre anglo-afghane en réalité, quand on a commencé à imaginer que les Britanniques pourraient prendre la succession des Moghols et que la reine Victoria pourrait finalement prendre la succession de Tamerlan, en quelque sorte. Rien ne s'y opposait. Rien ne s'y opposait. Cet imaginaire-là se met en place à partir du début des aventures de Sherlock Holmes. Et on peut soit l'étudier du strict point de vue de cette patine victorienne, en se disant, bon, bah, c'est comme d'ailleurs l'ont fait jusqu'à une date récente, tout un tas d'entreprises qui se sont réclamées du passé colonial pour vendre du chocolat ou des biscuits ou du thé. Soit on se dit, mais oui, c'est qu'est-ce que les Anglais faisaient à Maiwand ? Pourquoi est-ce que les Afghans les ont battus ? Et pourquoi est-ce que d'ailleurs l'année précédente, les Zoulous les avaient battus ? D'ailleurs, après cette défaite contre les Zoulous, le prince impérial français lui-même, fils de Napoléon III, mort à ce moment-là, s'engage aux côtés des Anglais pour aller combattre les Zoulous et finit par être tué de 17 coups de sagaie dans une mission de reconnaissance. Toute cette histoire-là, finalement, si on tire bien les fils, on a quelque chose qui est un peu plus intéressant que ce que donne parfois à voir, pour rester dans l'exemple de Sherlock Holmes, un certain nombre d'adaptations qui ne nous font voir que le papier peint et des fauteuils club de l'époque. Vénère, on va se retrouver demain pour le dernier entretien. Il sera question toujours du 19e, mais notamment d'un article que j'ai eu l'occasion de lire, de votre plume, Le Voyage, le journal et les journalistes au 19e. À demain. À demain.